Juges chapitre 10. Après Abimélec, Tola fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issacar, fut suscité pour délivrer Israël, et il habitait à Samiran la montagne d'Ephraïm. Et il jugea Israël 23 ans, puis il mourut, et fut enseveli à Samir. Après lui fut suscité Jaïr Galaadite, qui jugea Israël 22 ans. Et il eut 30 fils, qui montaient sur 30 anons, et qui avaient 30 villes, qu'on appelle les villes de Jaïr jusqu'à ce jour, lesquelles sont au pays de Galaad. Et Jaïr mourut, et fut enseveli à Camon. Puis les enfants d'Israël recommencèrent à faire, ce qui déplaît à l'Éternel, et servirent les Baalins, et Astaroth, savoir, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des enfants de Ammon, et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel, et ne le servaient plus. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit en la main des Philistins, et en la main des enfants de Ammon, qui opprimèrent et foulèrent les enfants d'Israël cette année-là, qui était la 18e, savoir tous les enfants d'Israël, qui étaient au-delà du Jourdain au pays des Amoréens, qui est en Galaad. Même les enfants de Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, et contre Benjamin, et contre la maison d'Ephraïm, et Israël fut fort serré. Alors les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, en disant, « Nous avons péché contre toi, et certes nous avons abandonné notre Dieu, et nous avons servi les Baalins. » Mais l'Éternel répondit aux enfants d'Israël, « N'avez-vous pas été opprimés par les Égyptiens, les Amoréens, les enfants de Ammon, les Philistins, les Sidoniens, les Amalécites, et les Maonites, cependant quand vous avez crié vers moi, je vous ai délivré de leurs mains. Mais vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, et criez au Dieu que vous avez choisi, qu'il vous délivre au temps de votre détresse. » Mais les enfants d'Israël répondirent à l'Éternel, « Nous avons péché, fais-nous, comme il te semblera bon, nous te prions seulement que tu nous délivres aujourd'hui. » Alors ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux des étrangers, et servirent l'Éternel, qui fut touché en son cœur de l'affliction d'Israël. Or les enfants de Ammon s'assemblèrent, et se campèrent en Galaad, et les enfants d'Israël aussi s'assemblèrent, et se campèrent à Mitzpah. Et le peuple, et les principaux de Galaad dirent l'un à l'autre, « Qui sera l'homme qui commencera à combattre contre les enfants de Ammon, il sera pour chef à tous les habitants de Galaad. »